Je peux passer dans la situation numéro 1 ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Numéro 2 ? Oui, réponse C. Non, réponse D.